Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon frérot de Bayonne, monsieur Farid Amzian. Salut tout le monde. Salut Farid, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Parfait, donc, je te remercie Sofiane de m'accueillir sur ton podcast. Avec grand plaisir. Galère d'humoriste. Tu avais une ou plusieurs galères d'humoriste à nous raconter? Oh, oui, de belles, de très très belles qui me resteront à vie, je pense. Une première... J'étais censé jouer à Paris. Donc, une production m'appelle pour remplacer un humoriste à la volée dans un super beau théâtre. Je me pointe pour le spectacle. C'était génial, c'était une superbe opportunité puisque je jouais à Paris. Voilà, le rêve de tout humoriste. C'est sûr. Et j'arrive là-bas et donc on fait on fait les balances, ce qu'on appelle les balances, donc tout le monde connaît. Donc les tests micro. Les tests micro, ça, voilà. On vérifie les effets sonores. Les effets sonores, les musiques du spectacle, tout ça. Tout se passe super bien. Le régisseur réagit au quart de tour. Vraiment génial. Je me sentais en confiance. Et arrivé à 20h30, donc début du show, les gens rentrent dans la salle. La salle était comble. C'est-à-dire que l'artiste qui ne jouait pas m'a quand même laissé son public. Ah, bien. Ouais, donc bien. Elle était comble. Ça, c'est bien. La prod a été cool de ce côté-là. Le mec vient me voir vers 20h15, dans le régisseur, dans la loge, et il me dit, bon, ben voilà, je te fais un coucou. Quand on va commencer, tu verras une petite lumière qui va s'allumer, puis je lance la musique et puis ce sera à toi. Je lui dis, ok, très bien, pas de souci, merci. Donc, j'étais au téléphone avec ma mère, avec ma maman, à qui je l'expliquais mon bonheur d'être ici. Et quand, soudain, j'entends la musique du début de mon spectacle direct, qui démarre, j'étais torse nu. Je te jure, Sofiane, j'étais torse nu au téléphone avec ma mère. J'enfile la chemise, je dis à ma mère, je te laisse, je lui raccroche au nez, la pauvre. T'as pas été prévenu, quoi? Non, il m'a pas prévenu, déjà, pour commencer, il m'a pas prévenu. Je rentre sur scène, bonsoir à tous, il y avait lundi avec mardi, les boutons de la chemise, oh tu là sais. Là, là, là. Truc affreux, horrible, début de spectacle, super speed. Et pour couronner le tout, de A à Z, il m'a flambé tous les effets qu'il avait sonores, nickel au niveau musique, de la répétition, qu'il avait nickel à la répétition. Oh. Mais il m'a tout flambé. Et à la fin du spectacle, forcément, le spectacle a foiré. Et à la fin du spectacle, je me suis retrouvé tout seul, je te jure, sur scène. Le régisseur, même pas, il est venu me voir. Il a fini son boulot, il est parti. Ah ouais, même pas. Même pas, il est venu. Il me disait, excuse-moi. Genre, salut, quoi. Rien, que dalle, que dalle. Et il s'est barré. Et je me suis retrouvé au milieu de la scène à regarder les sièges, le regardant le vide, presque envie de pleurer. Et puis je suis parti avec ce souvenir-là. Donc la personne qui gérait le théâtre était quand même venue me voir pour s'excuser au nom de son régisseur. Donc, je trouve ça extraordinaire, c'est ahurissant. Mais c'est sympa de sa part à elle, mais c'est oui, de la part de l'autre. Oui, oui, la prod aussi, voilà, m'a rassuré. Ils ont été pros quand même. Ouais, ils ouais. Ont été pros, oui, oui, il y a quand même ceci. Contrairement à lui. Exactement. Et deuxième galère. Alors, on me propose de jouer dans un bowling qui voudrait organiser des soirées, qui a dédié un petit pan de son établissement pour des soirées artistes. Mmh. On me propose de venir y jouer pour inaugurer la soirée, la première. Je dis oui. Et j'arrive là-bas. Et 130 personnes dans la salle. Donc là, tu te dis, bon, il y a quand même un peu de monde, c'est plutôt cool. Et là, le spectacle a bidé de A à Z et même encore après. Mais bide. Oh là, mais le truc, je m'adresse à tous les humoristes qui nous écoutent là, qui ne jouez pas dans un bowling. Sincèrement. Parce que toi, tu veux faire plaisir, tu te dis, tiens, oui. Voilà, je fais. Et non, il faut pas. Souvent, quand tu es humoriste, en fait, tu as envie de jouer partout et de relever tous les mais challenges. C'est ça? Mais celui-là, il était trop haut pour moi. Oh. Il était beaucoup trop haut. Tu penses que c'est quoi qui t'a dérangé? C'est-à-dire, les gens jouaient pendant que tu... Les gens jouaient au bowling non, ou pas? Non, mais ils avaient fermé une partie du bowling ouais. Avec des espèces de pans. Ouais. Mais y avait quand même des gens qui jouaient au bowling ah, pendant oui, oui. Que tu jouais. C'est-à-dire que le bowling voilà. Était ouvert, il y avait le billard. C'est ça le problème. Ah oui, oui, oui. C'est le moindre bruit, la moindre quille, tu c'est vois, ça. Le moindre bruit, ça va perturber les c'est gens. C'est ça. Alors, on te dit que le bruit est étouffé. Alors, l'après-midi, je suis venu pour me rassurer. Oui, oui, il était étouffé, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, tu te dis, bon, ben, ça va aller. Mais là, sauf que ce soir-là, le bowling était blindé. Oh. Dans la salle, j'avais des gens bourrés. Donc ils sortaient, ils revenaient. L'alcool, tout ça. Ah ouais, ouais. C'est... Et puis en plus, c'était la première de mon nouveau spectacle. Ah bah oui. Donc dont tu as vu un extrait. T'étais même pas en sécurité, quoi. Pas du tout. C'était la toute première. Hein, et je le rodais à l'époque. Et c'est quand même un spectacle. Tu as vu un extrait, c'est quand même un spectacle à l'humour assez trash. Ouais, c'est sûr. Et dans la salle, si tu veux, les gens bourrés, accentués par leur rire gras et leur intervention inutile, il m'accentuait les vannes gore et il les du coup elles étaient foirées parce que on ne retenait que le côté gore, tu vois, des vannes, et on n'allait pas chercher la subtilité. Voilà, ça, je cherchais le mot, merci. Ça dénaturait totalement le texte. Je suis sorti de là, je te jure, à la fin du spectacle, j'avais des membres de ma famille qui étaient là, mais j'avais honte, parce que même moi, au fur et à mesure du spectacle, je partais en déconfiture. Parce que t'as plus rien à quoi tu peux te raccrocher. Est-ce qu'à la fin du spectacle, t'as été rayé du livret de famille? Ouais. Ils ont brûlé la page. Et si je partais pas, ils me brûlaient à moi. Ah ben j'imagine. Non, sérieux, non, mais c'était affreux. Sérieux, c'est dommage. Et cette anecdote, elle m'a marqué. Pourquoi? Parce que en sortant de là, en sortant de ce spectacle, je crois que c'est le pire beat de toute ma carrière. Ça fait 25 ans que je suis là dans ce milieu. Mm-hmm. C'est le pire beat. J'en ai pris, hein, et j'en prendrai encore. On en a tous pris. Mais celui-là, celui-là, c'est le pire. Ouais. Et sorti de là, t'as les gens qui viennent te voir en te disant « Ah, c'était bien !» À demi-mot, tu sais, tu l'entends à peine. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas mal. On était bien, si. C'est ça. Voilà. Ah. Et pour finir, en partant du bowling, je suis parti avec mon sac et mes larmes. Ouais, c'est ça. Je fais 50 mètres pour traverser une rue. Ouais. Je te jure, à ma gauche, il y avait un pont. Et je l'ai encore en l'image. Il y avait un pont. Et je vois une voiture arriver. Mais elle a percuté un talus. Ouais, ouais. Un talus. Elle a sauté, elle a fait un bond. Le rétroviseur m'a effleuré le nez. Ah, sérieux? Ouais. Oh là là. Et elle a été s'écraser plus loin devant moi. À ma droite, et là je vois deux jeunes sortir complètement bourrés. Est-ce que t'es sûr que c'était pas un spectateur mécontent? Mais je me suis demandé, je me suis posé la question. Les gars, vous abusez, je me suis planté, mais c'est bon, je mérite pas de crever. Ouais, vous avez pas aimé, mais quand même, vous allez loin là. Tu te dis, ça va loin, les terroristes. Sérieux? Quoi. Ah ouais, et donc, ouais. Les deux jeunes bourrés, ouais. Deux jeunes bourrés qui sortent de la bagnole, et trois nanas derrière, torchées aussi. Donc il y avait cinq personnes dans la bagnole. Mm-hmm. Ils sortent de la bagnole. Et là, il y en a un qui me dit « Faut qu'on s'en aille, je suis pas assuré. » Texto. « Faut qu'on s'en aille, je suis pas assuré. » Oh là là là. Et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Bah, ça... » mes parents, ils m'ont acheté la voiture et l'assurance, et ils m'ont fait confiance. Et là, je suis à 4 grammes et 18 ans. Ah ouais. 18 ans en plus. 18 ans. Et là, il y a des gens qui arrivent en courant parce qu'ils ont vu l'accident. Est-ce que juste t'as une phrase pour ce mec-là quand il sortira de prison? Fais du vélo. Voilà. Ouais, non, mais fais encore, du vélo. Et encore. Même le vélo à 4 grammes. Tu sais que les cyclistes sont des oufs. Hein. Mais je sais. Les cyclistes sont des oufs. Tu sais, moi j'aimerais bien, je te jure, un jour j'en parlerai, j'ai envie d'en parler dans un sketch. Mais j'ai juste envie qu'on explique, que quelqu'un explique aux cyclistes la différence entre un guidon et un gyrophare. Ouais. Tu sais, vous n'êtes pas prioritaire, les mecs. Calmez-vous. Oh, calmez-vous. Surtout vu les tonnes de tôles qui vous foncent dessus. Si jamais vous ratez un truc, ils grillent des feux rouges comme je sais pas quoi et tout. Pas tous. C'est clair. Pas tous, mais moi je te jure, en plus, moi je suis chauffeur de bus, tu vois. Au volant de mon bus, j'en ai évité pas mal. Hein. surtout les livreurs. Ah, les Uber Eats et tout, laisse tomber. Oh là là. Les Uber Eats, les Deliveroo et tout machin, ils conduisent comme des bâtards. Ah ouais. Oh putain. Moi, il y en a un qui m'a grillé la priorité, mais laisse tomber. Mais c'est même pas la priorité. J'avais le feu vert et lui, il avait le feu rouge. Et il n'y avait même pas de visibilité, tu vois, c'était un truc genre au milieu des bâtiments et tout machin. Et laisse tomber, quoi, j'ai roulé comme ça, le mec il m'est passé devant, j'ai pilé, j'allais envoyer tout le monde sur le pare-brise, tu vois. J'ai pilé comme un bourrin, j'ai klaxonné, le mec il savait ce qu'il a fait, il osait même pas me regarder. Il regardait la route, il a baissé la tête, il a continué. Mais le mec il a grillé le feu rouge pour gagner 5 pour gagner, secondes c'est ça. Sur sa livraison, c'est mais ça. Il aurait très bien pu mourir. Exactement. Bah en tout cas, voilà, franchement, je suis sûr, les cyclistes, sans déconner, ça me rend ouf, mais bon, voilà, il faut qu'on cohabite tous. Ouais. Il faut qu'on cohabite, tu vois, on doit tous vivre ensemble, les Noirs, les Arabes, les Français c'est et ça. Les cyclistes. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, retour à ton histoire, excuse-moi. Donc, je t'en prie. Donc, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont barrés. Ouais. Ils se sont tous barrés, absolument dispersion. Tous. Ouais, dispersion totale. Parce qu'en fait, il y en a un qui, y a un mec qui est arrivé, qui était bourré, qui lui a dit « Hey, t'es dans la merde, casse-toi !» Voilà, super bon conseil. Comme ça. Le super beau conseil. Une nouvelle émission de radio. Les c'est mecs ça. Bourrés parlent aux mecs bourrés. Mais, non, c'est exactement oh, ça. Sérieux. Et là, je vois les flics arriver, parce que ouais. ma soirée n'est pas terminée. Eh ben, je vois les flics arriver. Le mec, il sort de... ils sont arrivés comme Starsky et Hutch. Le mec, il sort de la bagnole. J'étais à côté de la voiture accidentée. Ouais. Il me plaque contre la bagnole. Ah, il pensait que c'était toi. Pensant que c'était moi les qui avait eu l'accident. Je te jure. Il me plaque. Il me... L'autre, il me colle, commence à me coller les menottes. Genre, même pas bonjour monsieur. Est-ce que c'est le véhicule bougez ou... pas, bougez pas. Ben non, le véhicule, il y avait de l'essence qui tombait un peu partout. Je sais pas ce qu'il aura pris, je sais pas. Et je lui dis, mais c'est pas ma voiture. Il me dit, comment ça, c'est pas ta voiture? Qu'est-ce que tu fous là? Bah, déjà, tu me tutoies pas, déjà. De base, oui. Déjà, bonjour. De base. Et je lui dis, mais c'est pas ma bagnole. Parle de moins près, tu sens le whisky. Déjà, ouais. Tu sens l'apéro. Attends. Bon, le spectacle était pourri, d'accord, mais ça mérite pas les menottes. Et tu vois, je commençais à me dire, tout le monde m'en veut. Okay. Et en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit que les jeunes s'étaient barrés. Ouais. Et ils en ont retrouvé deux, parce qu'ils étaient pas loin, ouais. Et vu qu'ils étaient bourrés. Et il me dit, mais toi, tu fais quoi là? Ben, je voulais les sauver et ils sont partis. De base, je voulais voir moi s'il y avait du monde qui était blessé. Ouais, j'ai voulu faire une bonne action et vous venez de me faire regretter. Voilà, et l'autre dans le speed, je suis désolé monsieur. Et il a profité en fait de l'excuse d'aller courir après les jeunes qui se sont barrés. Pour essayer en plan. Voilà, quoi. Je suis rentré chez moi, j'ai passé 3 jours à pleurer. Ah, et après, je suis remonté sur scène. Mais c'est exceptionnel. Mais alors. Laisse-moi deviner, la scène que t'as fait après, t'as cartonné. Oui. Voilà. 3 semaines après, je refaisais le même spectacle au mot près à Pau. J'ai l'impression, tu vois, moi ça me l'a fait, et ça le fait à beaucoup de gens et tout, et franchement, j'ai l'impression que c'est presque une règle. Ouais. Quand tu bides, ouais. ta scène d'après, tu cartonnes. Ah, mais j'ai bidé sa mère et sa grand-mère. Hein, ah, et mais c'est ça. Ah, mais après, t'as cartonné sa mère et sa grand-mère. Ah, ouais, ah, mais carrément. Et les mêmes, hein, les deux. J'ai l'impression, ah ouais, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de vengeance. T'as tellement une énergie qui c'est se ça. Recharge en toi. Quand tu bides, c'est que ça. La fois d'après, tu cartonnes. Mmh, c'est ça. Et il y a aussi l'inverse. Il y a des fois où tu cartonnes tellement que la fois d'après, tu vas bider. Ouais, c'est ça. Je sais pas, il ouais. y a une espèce d'équilibre qui se fait. Comme ouais, il faut un équilibre. Après, voilà, pour ma part, non seulement c'était la première du nouveau spectacle, et en plus, c'était le premier spectacle dans lequel je me lançais dans l'humour trash, dans l'humour noir. Ouais, donc vraiment, tu partais... je partais de zéro, quoi. Voilà. Ouais. Tu roulais dans la nuit, sans feu... C'est ça, voilà. Contre-sens. C'est ça, contre-sens et avec un bandeau sur les yeux, voilà. Voilà aussi. Ah non, mais complètement, c'est dingue. Hein. Ah, écoute, mais c'est une belle expérience. Ouais, une belle expérience, et je pense qu'on fait ce métier pour ça. Absolument, bah oui, ouais. Parce que de toute façon, toutes les scènes ne se ressemblent pas. Ouais. Et puis, c'est le côté challenge, tu vois, c'est on ouais. dit spectacle vivant. Ouais. C'est ça, c'est le vrai challenge. Est-ce que ce soir, je vais réussir à surmonter l'épreuve et tout, machin. Mais bon, là, en tout cas, on retient le conseil. Hein. Donc, les cyclistes, respectez les feux. C'est ça. Et ne jouez pas dans des bowling. Non, voilà. Surtout pas. Okay. Jouez au bowling. Mais... au bowling, mais pas dans des bowling. Ne faites pas de vanne dedans. Non, non. Voilà, pas de sketch, pas de. Eh bien, écoute, merci beaucoup pas en tout cas, c'est avec plaisir. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi. Ben là, je serai à la Luna Negra, donc à Bayonne, les 23 et 24 octobre. Et je suis en train de créer une web série qui s'appelle Mon papa et moi et qui évoque la paternité. D'accord. Et donc, du coup, qui verra le jour, je l'espère, très très bientôt. Mais ça. Pour le savoir, il faut me suivre sur Facebook. Bien sûr, on peut le retrouver donc sur tes réseaux sociaux. Donc, oui. On tape quoi ? Farid Hamzian ? Farid Hamzian sur Facebook. Vous me demandez un ami, j'accepte. D'accord. Farid Hamzian sur Facebook. Et, okay. je vous balance ma page. Très bien. Donc, voilà. AMZIANE. C'est ça. Tout simplement. Ou alors, @FaridShow, SHOW64. Tout attaché. Ok. Voilà. Tu es également sur Facebook, sur Twitter pardon, et Instagram ? Ouais. Instagram, d'accord, ouais. Donc @ FaridShow64, même chose. Ouais. Ok, d'accord, très voilà. bien. Mais écoute, merci beaucoup pour toutes ces histoires. Merci à toi, Sofiane. Tu m'as bien fait rigoler, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ah tiens, t'as déjà, juste avant de se quitter, tu as déjà joué à... Tu prends le train, des fois. Ouais, des fois. Ouais. T'as déjà joué à Retourne ton billet. Retourne ton billet. Non, Retourne ton billet. Qu'est-ce que je suis sûr que les gens qui nous écoutent... Qu'est-ce que c'est, ouais. Retourne ton billet, c'est quand tu vas composter le billet, tu sais. Ouais. Devant la machine qui ouais. te met à chaque fois, tu mets oui, le billet, elle te met retourne ton sens. Billet. Voilà, et tu le mets dans l'autre sens, retourne ton billet, tu le remets dans l'autre sens et mais ça marche. Ça. Mais c'est parce qu'en fait, ils savent que les trains, j'allais dire les bus, les trains ont du retard. Ouais. Donc ils se disent comment occuper les gens. Voilà. Retourne ton billet. Retourne ton billet. Voilà, tout simplement. Alors, ceux qui ont déjà joué à retourne ton billet, je voudrais savoir qui a déjà réussi à gagner du premier coup. Donnez-nous la réponse. Ça peut être intéressant. Ben, donnez-nous la réponse. N'hésitez pas à envoyer-nous un message à moi, Sofiane Etaï, et à Farid Amzian. Voilà. Pour ma part, vous me retrouvez donc sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et allez le voir en spectacle, c'est une bombe. Merci mon frérot, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller découvrir également la web-série de Farid et son spectacle. Hein, voilà, tu as un nouveau spectacle en préparation qui va arriver au mois de juin 2020. Ouais, les confidences du diable. Les confidences du diable, voilà. Donc vraiment, je vous invite à aller découvrir son travail. Si vous aimez l'humour un petit peu péchu, un petit peu piquant, si vous aimez les choses un petit peu piquantes, vous aurez à boire et à manger chez Farid. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.